Amis Vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline concernant vos amours au mois de mai 2023. Quel va être le message pour vous de l'oracle? Bon, apparemment c'est un mois de passion, d'envie, d'engouement et vous allez agir. Vous allez agir beaucoup. Vous ne serez pas dans l'observation ni passif. Passive, mais plutôt dans l'action amoureuse, c'est bien. On va voir la suite. Ça, c'était la coupe qui donne une couleur au jeu. Mais donc, quel est le message ou le conseil de l'oracle? Oui, ben c'est un mois où vous allez vous sentir avancer, évoluer en couple, dans les projets aussi communs. Globalement, apparemment, dernièrement, il y a vraiment une vous allez vraiment, en début de mois, ou dernièrement, vous allez vous sentir apaisé, rassuré par rapport à des craintes, à un malaise peut-être dans votre couple, ou des craintes que vous pouviez avoir. Par rapport, vous aviez peut-être peur que certaines choses tournent mal, ne s'arrangent pas, et il y a eu un apaisement par rapport à cela, et donc vous retrouvez, ce qui rayonne sur le jeu, c'est le plaisir, donc vous retrouvez pleinement l'épanouissement, le plaisir de la vie, le plaisir d'être à deux, et il y a des discussions, normalement, qui vous arrive, et le conseil c'est de discuter, d'échanger justement, et vous allez avoir de bonnes nouvelles qui continueront apparemment de vous apaiser. Donc en gros, si vous êtes heureux en couple et que vous avez eu peur que ce bonheur ne perdure pas, eh bien voilà, les bonnes nouvelles continuent à venir, et même certaines craintes inutiles vont s'apaiser. Votre partenaire va sans doute vous rassurer aussi, ou des événements vont vous rassurer. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous aviez sans doute peur pour votre avenir, et peut-être que dernièrement, vous avez retrouvé, ou vous allez retrouver rapidement en mai, de l'espoir par rapport à votre avenir sentimental. Et le conseil ici, c'est de sortir, de voyager, de voir du monde, alors ou de faire un petit week-end entre amis. Il faut que vous vraiment vous ouvrir par rapport à aux rencontres. Une nouvelle rencontre peut se produire par la suite, peut-être pas au mois de mai, mais en tout cas, déplacez-vous, acceptez les invitations, même si parfois vous vous dites ça ne servira à rien, parce que là, les choses sont en train d'évoluer favorablement. Donc, acceptez l'évolution de votre vie sentimentale et le changement qui est en train de se produire tout doucement. En tout cas, bon mois de mai.